Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique, tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Donc, ensemble, eh bien, nous allons présenter les prochains concerts de l'association. Et justement, il y a un concert lundi prochain, 15 janvier, salle Poirel à 20h, avec Gauthier Capuçon et ses élèves. Philippe Fosseux, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, c'est la première fois que Gauthier Capuçon se produit dans le cadre des concerts de l'association? Oh non, ça c'est une longue histoire avec Gauthier Capuçon qui adore venir jouer à Nancy et que le public adore ici également. Donc nous l'avons reçu l'année dernière, peut-être il y a 2-3 ans aussi. Mm-hmm. Et je pense qu'il vient, c'est la 5e ou 6e ou 7e fois qu'il vient. Et je pense qu'il continuera à venir parce qu'il a toujours quelque chose de nouveau à nous proposer. Et mm-hmm. notamment cette fois-ci, sa nouvelle fondation et les lauréats de sa fondation qui l'amènent avec lui. Alors la première fois qu'il est venu, j'imagine qu'il était encore pas très très connu. C'était dans les tout débuts effectivement avec ouais. son frère où il avait c'est vrai qu'il a pas été connu d'emblée, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup joué pour être connu mm-hmm. et c'était il y a au moins 25 ou 30 ans donc c'était le début de carrière pour lui. Oui. Ouais. Alors évidemment quand on reçoit des musiciens classiques parmi les plus populaires, peut-être même d'ailleurs le plus populaire, on peut se poser la question. Les plus populaires, oui. Est-ce que c'est une telle tête d'affiche attire forcément davantage de public et booste en quelque sorte les ventes de billets? Alors ça c'est évident. Ce sont des concerts sur lesquels on est complet très rapidement dans la mesure où la notoriété, la télévision, la médiatisation mm-hmm. Fait que les gens veulent venir l'écouter. Ce ne sont pas forcément des grands amateurs de musique classique, ce sont mmh. des gens qui ont envie d'écouter un bel artiste qui en plus est sympathique, qui a beaucoup d'empathie pour ses élèves et pour ses lauréats. Donc je pense que c'est un plaisir aussi de le voir. Oui, de l'écouter. Et de l'écouter. Donc là, on peut dire que le programme est assez inhabituel parce que c'est donc Gauthier Capuçon qui va jouer avec certains de Bien ses sûr. Élèves, mais des élèves qui vont également jouer en solo. Absolument, c'était le but de ce concert. C'est assez inédit ce genre de concert. Oui, on a fait ça déjà une première fois avec lui et Kim Bernard, qui est un jeune pianiste assez extraordinaire, qui était venu faire une toute petite première partie de 15 minutes à son dernier concert il y a 2 ans. Mm-hmm. Et cette fois-ci, on a décidé d'inviter 3 lauréats qui vont venir jouer ensemble ou séparément, parce mmh. qu'il y aura pour chacun un petit moment de gloire personnelle, bien sûr. Ce qui va de soi, et d'autres œuvres seront jouées en tutti avec lui. Alors, ce sont déjà des jeunes artistes qui ont été couronnés qui ont été lauréats de différents prix ou pas? Oui, bien sûr, ce sont tous... Pour accéder à la fondation Gauthier Capuçon, il mmh. faut avoir déjà un niveau de musique extrêmement élevé, d'une part, ouais. avoir une petite carrière, si possible, mmh. et surtout avoir des prix. On prend le cas de Martina Consoni, qui sera la pianiste qui sera là. Elle, mmh. c'est 40 prix qu'elle a déjà. C'est-à-dire ah oui, qu'en d'accord. fait, c'est quelqu'un qui ouais. a déjà une carrière internationale mmh. De jeune pianiste. Mais tous les trois sont Lisa Strauss, également, mmh. qui est la violoncelliste, a déjà joué avec le Filia Trio. Mmh. C'est quelque chose de... Ce sont des gens qui ont déjà une carrière. Oui, ils sont bien lancés, déjà. Ils sont déjà bien lancés, absolument. Alors, on va écouter un premier titre musical. Alors, je vous ai demandé de choisir, de faire la programmation musicale de l'émission en tenant compte de vos choix, qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs à la programmation de cette saison de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, et pour découvrir vos coups de cœur, ce que vous aimez, votre jardin secret peut-être, voilà, en quelque sorte. Oui, certainement. Oui. Voilà, et on va commencer avec George Gershwin. Je vois que j'étais un petit peu surpris, parce que Gershwin, évidemment, on l'aime tous, on l'aime, mais ce n'est pas forcément le compositeur qui vient le premier à l'esprit quand on fait une programmation musicale. Et vous avez choisi un extrait d'un disque paru il y a déjà une bonne trentaine d'années, une bonne oui. quarantaine d'années, Barbara Hendricks et les sœurs Labeck. Alors là, je retrouve évidemment avec les sœurs Labeck, la saison qui est, de la LMC. Voilà, et pour, comme certains le savent peut-être, on retrouve aussi la prochaine saison, puisque Barbara Hendricks sera avec nous au mois de septembre. Elle viendra pour un récital qui sera un récital un petit peu large, Schubert, Gershwin, elle ne m'a pas encore donné tout le détail de ce qu'elle souhaite chanter. Et donc j'ai choisi Barbara Hendricks un petit peu pour ça, mais surtout parce que c'est une voix absolument magnifique, que c'est du Gershwin que j'aime beaucoup. Les œuvres de Gershwin sont tout à fait plaisantes à écouter, c'est relativement simple. Et puis, c'est un homme qui avait énormément de qualités, qui était très simple. Donc c'est pour ça. Et puis, I Got Rhythm, c'est quelque chose qui sonne dans toutes les oreilles. Got a Rhythm, donc une chanson de George Gershwin avec les sœurs Labeck au piano. Très bonne jazzman, hein, Philippe Fosseux. Ah, tout à fait. Bonne jazzman avec les sœurs Labeck, d'ailleurs, qui ont toutes les trois. Elles formaient un ensemble assez extraordinaire. Et puis la voix de Barbara Hendricks. Et la voix de Barbara Hendricks qui est tout à fait inoubliable. Donc on va rappeler le concert, même s'il est complet, du lundi 15 janvier à 20h, salle Poirel, Gauthier Capuçon et ses élèves. Gauthier Capuçon, vous l'avez dit, un artiste souvent invité à Nancy dans votre association. Renaud et Gauthier sont parfois un peu critiqués dans le milieu musical en raison de leur omniprésence médiatique. Est-ce que ça vous paraît injuste ? Alors, moi, ça ne me paraît absolument pas injuste dans la mesure où ils ont beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat. Et surtout, ils ont été très ouverts, ils sont allés vers le public et vers les médias. Et je pense que maintenant, ce sont les médias qui les poussent, plus qu'eux-mêmes. C'est vrai qu'ils acceptent de faire des tas de choses. Gauthier est très ouvert à toutes les sortes de musique, toutes les sortes de... Bon, on le voit avec ses émissions prodiges, avec l'émission prodige, on le voit avec le concert du 14 juillet. Il veut jouer pour l'ensemble du public et avec sa tournée d'été où il veut rencontrer du monde. Ouais. Donc... c'est vrai que, alors on peut les critiquer, ils ont une prédominance sur le marché de la musique, si je puis dire, mais ce sont quand même des musiciens extraordinaires, tant l'un que l'autre. Pour info, on aura Renaud également Capuçon d'ici un an ou deux en concert chez nous. Ce sont des incontournables. Oui, mais donc, d'après vous, on étiquette peut-être un peu trop les musiciens classiques, on les cloisonne peut-être un peu trop en France, et quelque part, des artistes comme Gauthier Capuçon peuvent ouvrir la musique classique à de nouveaux publics ? Ah, je suis persuadé que dans la salle que nous aurons lundi soir, qui est complète, on aura des tas de gens qui ne sont pas des fanas de la musique classique, mais simplement des gens qui ont envie d'écouter un bel artiste. Bien. Alors, donc, on va continuer notre programme, la programmation musicale que vous nous avez concoctée, avec une œuvre que j'adore, c'est Les Planètes de Gustav Holst. Alors, vous avez précisé suite de 1916. Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Non, je pense que... C'est la version originale ? C'est la version originale. Mm-hmm. C'est une suite. Alors, il a fait une autre suite, ça s'appelle la suite Saint-Paul. Mm-hmm. Mais cette suite, Les Planètes, a été composée entre 1914 et 1917. Ouais. Et le début des planètes de 1916, notamment Mars, que je vous propose d'écouter, Mars la guerre, qui est une des plus belles parties de cette suite. C'est assez long, on aura peut-être l'occasion d'en écouter qu'un petit morceau, mais c'est une très belle œuvre. C'est un musicien qui est pas très connu, il est connu pour ses planètes, oui. Mais en dehors de ça, il est peu connu pour notamment tout son répertoire qui est lié au renouveau de la chanson anglaise du 19e, et la suite Saint-Paul qui est magnifique également. On aurait pu programmer la suite Saint-Paul, mais disons que Les Planètes sont plus réputées, et puis surtout, c'est une orchestration qui est absolument magnifique. Et je pense que les auditeurs vont reconnaître quelque chose qui ressemble à Star Wars aussi, hein, parce tout que à fait, John Williams s'est beaucoup inspiré des planètes pour la musique. On est tout à fait dans la musique de film, on est bien d'accord. C'est vraiment très imagé. Eh bien voilà, excellent choix, parce que la musique anglaise a du mal à sortir de son insularité. Alors voici un extrait des Planètes de Gustav Holst avec le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Sir Charles Gross. un extrait de Mars, la guerre tirée des planètes de Gustav Holst avec le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Sir Charles Groves, toujours le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Alors on a parlé du concert du 15 janvier, le concert suivant aura lieu le 12 février, est-ce que l'on peut déjà réserver les places? C'est un concert du pianiste Adam Laloum. Alors Adam Laloum, c'est effectivement le 12 février, il y a encore des places, il faut se dépêcher un petit peu parce que c'est un pianiste qui est réputé et recherché. En général, le concert se remplit le dernier mois, donc on va arriver juste au moment où les places vont disparaître les unes après les autres. Très beau concert avec une soirée Chopin et Schubert. Chopin, deux très belles œuvres, pas mineures du tout, comme on a l'habitude de le dire, qui sont la fantaisie et la polonaise fantaisie, de très belles choses, extrêmement puissantes, magnifiques, qu'on entend très peu souvent. Et puis, en ce qui concerne Schubert, les deux dernières sonates de Schubert, qui sont les sonates qu'il a composées juste avant sa mort, il faut rappeler qu'il est mort à 31 ans, donc et 31 ans avec 1000 opus derrière lui. Compositeur extrêmement prolixe, absolument extraordinaire. Et là, on a la 959 et la 960, deux magnifiques œuvres, surtout la 960, je dirais la toute dernière œuvre qu'il a terminée peu avant sa mort, qui est une absolument fantastique sonate qu'il faut savourer et écouter religieusement. Alors, quand vous invitez des artistes, vous essayez justement de prévoir un programme où il y a des découvertes ou des choses, et puis des choses peut-être plus attendues par le public? C'est un petit peu des deux, des choses attendues de façon à ce que on retrouve des morceaux qu'on connaît, et puis l'actualité du disque. Là actuellement, Adam Laloum a une tournée avec ce concert qu'il donnera au Théâtre des Champs-Élysées juste derrière nous 48 heures plus tard. Donc on colle avec un programme déjà réalisé de façon à permettre à l'artiste de se concentrer sur ces œuvres-là. Mais ça peut être un coup de cœur d'une rencontre qu'on a faite. Il y a 15 jours, je rencontrais les pianistes qui ont donné le concert du 17 décembre et on a, pendant la soirée, élaboré ensemble un concert qui n'a jamais existé et qu'on donnera d'ici une, deux, trois saisons, je ne sais pas, dans laquelle on entendra des œuvres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Nancy. Alors justement, il y a beaucoup de pianistes hein, quand même à notre époque. Hein. Lui, Adam Laloum, il s'est fait connaître en remportant le premier prix du concours Clara Askill, pianiste de talent, donc ce qu'on appelle la jeune génération, encore que bon... Maintenant, c'est plus la jeune génération. Il a été dans la jeune génération, il est toujours jeune, mais disons que c'est la génération des pianistes confirmés. On n'a plus à faire la preuve de la qualité d'Adam Laloum qui remplit les salles de par le monde. Alors justement, le niveau, la moyenne d'âge des pianistes baisse considérablement depuis quelques années. Avec les nouveaux arrivants. Ouais, parce qu'il y a des gens de plus en plus jeunes. Il n'y a jamais eu autant de pianistes qui essayent de faire une carrière de concertiste. Alors, quand on organise une saison de concert, comment on s'y retrouve là-dedans pour séparer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire? Eh bien, on se fie d'abord à soi-même, c'est-à-dire qu'on écoute beaucoup ces jeunes, on passe leurs CD, on écoute les liens qu'ils nous envoient et on se fait une opinion pour savoir si réellement ils ont quelque chose de transcendant ou pas. On élimine ce qui semble ne pas aller et on privilégiera ceux qui nous ont fait vibrer. Mais c'est vrai pour les pianistes, c'est vrai pour les violonistes, c'est vrai pour les violoncellistes, c'est vrai pour tous les instruments. Il y a une multitude de nouveaux artistes. Les trois qu'on reçoit lundi soir feront partie de ces grandes vedettes de demain et sont des gens qui ont 23, 24, 25 ans. Et d'ailleurs, on peut élargir parce que même pour les concours de recrutement d'orchestre pour les vents, c'est incroyable le nombre de candidats venus du monde entier, on peut le dire. Hein. On va écouter un troisième choix dans votre programmation musicale, c'est le Requiem de Mozart, le Lacrymosa. Alors pourquoi ce choix? avec Carl Böhm à la baguette. Oui, d'abord parce que c'est le plus bel enregistrement que je connaisse de ce Requiem, il y en a plein, hein, mais celui-là est particulièrement beau, avec le Philharmonique de Vienne. Deuxièmement, parce que j'adore Mozart, parce que j'adore le Requiem et que je l'ai écouté des centaines de fois. Et puis parce qu'il y a cette légende autour de Mozart et de ce commanditaire mystérieux qui était venu lui commander un Requiem qu'il voulait faire jouer en son nom, etc. Et puis parce qu'il y a le film de Milos Forman, et puis beaucoup de raisons. En tout cas, c'est à mon avis la plus belle, le plus beau des chœurs du Requiem de Mozart. Thank you. Fosseux, il y a quelque chose de l'éternité dans cette musique, avec cet amen qui conclut l'œuvre de Mozart. C'est effectivement assez extraordinaire de penser à cet homme, à sa mort proche, puisqu'il a composé. C'est peut-être puisqu'on ne sait pas dans quel ordre il a composé, mais en tout cas, on est sûr qu'il n'a pas tout composé, puisque il a fallu que Süssmayer, son élève, finisse la chose, et il a en tout cas pas terminé par le dernier morceau, qui est une répétition du premier, ce qu'il aurait jamais fait. Bien sûr. Il aurait composé quelque chose de plus extraordinaire. Oui. Mais c'était important, effectivement. C'est vraiment le plus beau des numéros du Requiem. Alors Philippe Fosseux, on va revenir à l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Vous proposez 8 concerts par saison. Ça, c'est une moyenne idéale. Ça fait à peu près un concert toutes les 6 semaines à peu près. C'est un concert tous les mois sur la période de fin septembre à fin mai, début juin. C'est la période idéale, oui. Ça laisse le temps de préparer le concert suivant, de s'occuper de toute la logistique, le plus complexe, c'est pas trop de prévoir le concert, c'est de l'organiser, et puis de faire savoir qu'il existe. C'est une bonne période, et dans les 8 concerts, on a un concert enfant, donc qui est en général le concert qui marche le mieux de l'année, d'ailleurs. Ah bon, voilà, cette année avec Gauthier Capuçon, pas cette année, c'est la rivalité sera va être numéro 2 ou forte. Numéro 3, on ne sait pas. Oui, bien sûr, ça, c'est clair. D'accord. Et donc, il y aura encore un concert qui continuera la saison. Le Quatuor Modigliani, je n'ai pas les dates sur Alors les c'est yeux. Le 11 mars. 11 mars, Quatuor Modigliani. Là encore, vous essayez, il faut toujours prévoir un certain nombre de pianistes, mais équilibré avec un certain nombre de quatuors à cordes, d'autres formations. Oui, comment ça se passe? Oui, on ne peut pas et je ne veux pas ne mettre que du piano. Bah, Piano à Lyon, on ne met que du piano. Lorraine, piano à Lille. Le piano. Voilà, c'est ça. Il faut avoir autre chose. Le Quatuor est bien évidemment une grande, belle formation de la musique de chambre. Les trios sont tout à fait extraordinaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites pour trio. Il y a aussi les jeux en ce qu'on appelle en sonate, c'est-à-dire un pianiste, un violoniste ou un pianiste, un violoncelliste ou un oboïste ou un flûtiste d'ailleurs. Il y a un petit peu tout. Ou une voix. Donc il faut équilibrer tout ça, et puis il faut des petits ensembles de musique de chambre, et puis éventuellement des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, comme on l'aura au mois de juin avec le Sirba Octet, qui est musique klezmer, jazzy, digan, avec des chœurs de la maîtrise de la cathédrale de Metz, magnifique concert à venir. Donc le Quatuor Modigliani, un quatuor qui fait de plus en plus parler de lui. Ce sont ses 20 ans. Et qui a choisi le nom d'un peintre, en plus. Oui, courant, d'ailleurs. C'est assez peu courant, oui. Et je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai pas eu l'occasion de leur poser la question, mais je le ferai. Je crois que c'était parce que les musiciens étaient tous pris. On va dire ça comme ça. Il y a le Quatuor Kandinsky aussi, je crois. Quatuor Kandinsky. Après, c'est vrai qu'ils prennent plutôt des noms de compositeurs. Ouais. Magnifique programme encore pour ce quatuor Modigliani. Oui, Stravinsky, Shostakovich, et Beethoven, le grand quatuor Razumovsky. D'accord, l'un des quatuors Razumovsky. Alors, on va continuer à découvrir vos choix musicaux, vos coups de cœur musicaux, avec Francis Poulenc, le concerto pour deux pianos. Alors là, c'est une œuvre où on rejoint un peu les sœurs Labeck qui l'ont beaucoup, beaucoup joué. Oui. Hein, et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique de Poulenc? Parce qu'il a quand même été un peu méprisé par l'intelligentsia musicale de son vivant. Oui, c'est vrai qu'il considéré était... considéré comme académique. Il a été critiqué. Alors, moi, je lui rends hommage. Je l'aime beaucoup à cause de l'harmonisation, surtout ces harmonisations qui sont assez extraordinaires. Je retrouve des choses qui me plaisent beaucoup. C'est pour ça que je l'aime. C'est aussi il était venu à la LMC en 1938 pour accompagner Bernac qui chantait. C'était un couple, entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas ensemble, mais c'était un couple qui a fait des concerts sur plus de 20 ans, 30 ans, et qui avait énormément de succès. Donc, Poulenc, moi, j'aime beaucoup l'ensemble de ses concertos pour clavier. Il a fait une série complète de concertos pour tout ce qui a un clavier, le clavecin, le piano et l'orgue. Ouais. Et donc, vous avez choisi la version avec Jean-Bernard Pommier. Là aussi, c'est un pianiste qui s'est produit, mais alors, il y a très longtemps, oui. dans le cadre de la LMC, et oui. qui est un peu disparu. C'est bien dommage, parce qu'il avait signé une intégrale des sonates de Beethoven absolument remarquable. Remarquable. Alors, on a des pianistes comme ça qui prennent leur retraite, en quelque sorte. Ils ont assez joué, ils sont C'est consacré à l'enseignement, peut-être, lui. Hein. Et puis, ils se consacrent à l'enseignement, voilà. Il y a... faut pas se poser de questions, je crois que c'est leur volonté s'ils ne veulent plus monter sur scène, mais en tout cas ils laissent des souvenirs sur le disque qui sont fantastiques. Donc effectivement j'ai choisi le dernier mouvement de ce concerto pour deux pianos magnifique. Et puis l'orchestre c'est le City of London Symphonia, dirigé par Richard E. Cox, regretté Richard E. Cox. Finale du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc avec le City of London Symphonia, dirigé par Richard Hickox, Jean-Bernard Pommier au piano. Donc Philippe Fosseux, quand on écoute cette musique de Poulenc, on la trouve très moderne finalement. Oui, elle est moderne à la fois avec un aspect classique malgré tout. C'est très tonal, c'est très facile à écouter. Moi, je recommande beaucoup Poulenc pour ça, c'est plaisant. Hein. Alors, le XXe siècle est très présent dans votre programmation d'aujourd'hui, Philippe Fosseux. Oui. Je précise que vous êtes président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Vous avez choisi encore de la musique symphonique. Moi, j'aurais cru qu'il y aurait eu beaucoup plus de musique de chambre avec vos fonctions. Oui, alors j'écoute tellement de musique de chambre dans mes fonctions, où j'écoute tous les artistes qui me proposent quelque chose, que de temps en temps je reviens assez facilement à la musique symphonique et à la musique orchestrale que j'aime beaucoup aussi depuis ma naissance. Hein. Alors donc le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Oui. Alors, une œuvre admirable. Très belle œuvre, œuvre admirable. Un Prokofiev qui fait un ensemble de presque 2 heures qui est de toute beauté, que je recommande d'aller voir si on le voit à l'opéra, à Paris ou autre part. C'est magnifique, c'est vraiment, ça change de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis je trouve que c'est une œuvre tellement magnifique, et notamment le passage que je vous propose d'écouter, oui, qui est la danse des chevaliers, qui est magnifique en termes de dimension, d'orchestration. Voilà, et puis une musique qui a été popularisée une fois de plus par la publicité. Oui. Autrefois, hein, oui, un peu comme la sûr. Suite numéro 2 de Shostakovich, bah ça contribue aussi à oui, faire connaître les œuvres. Absolument, hein. Absolument. La publicité sert à quelque chose. Donc vous avez choisi la version de l'Orchestre Symphonique de Boston, dirigée par Seiji Ozawa. Ça, c'est une version vraiment de référence. Bravo. Thank you. Voilà, c'est un extrait du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, La danse des chevaliers, le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'Association Lorraine de musique de chambre. Et on a écouté cet extrait joué par l'Orchestre symphonique de Boston, direction Seiji Ozawa. Alors, on continue notre présentation de votre programme musical pour cette émission, Philippe Fosseux, avec, je crois, un artiste qui vous est cher, c'est François Dumont. On a pu l'écouter la saison dernière dans le cadre de la LMC. Tout à fait, pour les deux concertos pour piano. Voilà, de Frédéric Chopin. Et là, vous avez choisi la fantaisie impromptue de Chopin. Est-ce que François Dumont va revenir prochainement dans vos concerts? François Dumont reviendra quand, je ne peux pas le dire encore, mais les grands et bons musiciens, on les fait revenir parce qu'on sait que ça marche bien. Oui. Alors là, il s'agit de son dernier CD, magnifique CD avec un ensemble de choses, mazurka, fantasy, polonaise, de toute beauté et très honnêtement, peut-être la meilleure interprétation que j'ai jamais entendue. Même si les très grands du passé ont fait des choses extraordinaires, c'est un très très très bel enregistrement. Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que maintenant, rares sont les pianistes qui enregistrent les 21 nocturnes d'un coup ou les 14 valses. Ils préfèrent parsemer leur faire un patchwork entre les différents. Oui, faire un patchwork qui permet d'avoir un petit peu de tout, une mazurka, voilà, une valse, une polonaise. Mais c'est vrai que 12 polonaises ou 14, je ne sais plus quand il en a fait, ou 2x12 études, voilà, c'est un peu rébarbatif, alors que là, c'est varié. Encore que le cycle des études, c'est un peu particulier parce que c'est quand même un ensemble. Hein. C'est un ensemble, bien mais évidemment. Mais quand il s'agit des nocturnes, ce sont des pièces qui ont été composées à différentes périodes de la vie de Chopin, tout c'est à encore fait, autre chose. Tout mais fait. C'est vrai que c'est bien maintenant d'avoir cette espèce de programme très ouvert autour de Chopin. Donc on va écouter la fantaisie impromptue. Alors c'est une œuvre relativement peu jouée, vous m'avez dit, mais enfin bon. Oh non, celle-là est très jouée. Celle-là est très jouée. C'est quelque chose que tout le monde va reconnaître, pour peu qu'on ait entendu un peu de Chopin. Celle-là a dû être entendue. Thank you. La fantaisie impromptue de Frédéric Chopin, jouée par François Dumont, choix de mon invité Philippe Fosseux, président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Quel raffinement, hein, Philippe Fosseux. Oui, grande finesse dans le toucher et dans l'expression. Alors je vous laisse choisir, oui ça c'est votre choix, mais je vous laisse présenter la pièce suivante, qui est une chanson, on va dire ça comme ça, « Auf Wiedersehen, mein Dear », de l'ensemble Les Comédiens Harmonistes. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter cet ensemble? Alors Les Comédiens Harmonistes est un ensemble de 6 chanteurs qui datent des années 20. Ils se sont retrouvés pour essayer de moderniser un peu la chanson d'époque. Ils ont fait un énorme travail de fond, de recherche, de réharmonisation et d'orchestre, pas d'orchestration puisqu'il n'y a souvent qu'un piano, de ces chansons. Mm-hmm. Et c'est un groupe qui s'est trouvé avoir un succès fantastique. Ils ont fait des tournées dans le monde entier, ils ont été ovationnés aux États-Unis, qui voulaient absolument les garder, mais eux, allemands d'origine, étaient tout à fait volontaires pour revenir dans leur pays. Malheureusement, ils ont été en partie protégés au début du régime nazi. Ils ont été plus ou moins protégés par ceux qui les appréciaient dans la nomenclatura nazie. Mais cette protection n'a pas duré très longtemps et elle est tombée malheureusement parce qu'il y avait à l'intérieur trois des garçons qui étaient juifs. Mmh. Donc c'est un groupe qui a dû se saborder. Ils ont tenté vaguement de le recréer à l'étranger, mais ça n'a pas marché. Et c'est un groupe qui me touche beaucoup parce que c'est un tout petit peu l'histoire de la famille de mon épouse qui a été chassée d'Allemagne de la même manière, à la même époque, simplement parce qu'ils étaient juifs. Ouais. Voilà. Et actuellement, compte tenu de l'antisémitisme qui règne encore sur certains pays, et notamment la France, je trouve qu'il est important de rappeler que des gens comme ça, qui étaient des grands artistes, il faut savoir qu'ils ont inspiré Ray Ventura, qu'ils ont inspiré les frères Jacques, qu'ils ont inspiré les quatre barbus. Voyez, alors, les jeunes ne sauront certainement pas de qui je parle, oui, les plus anciens sauront quels étaient ces grands groupes. Les Compagnons de la Chanson sont issus aussi de ce type de groupe. Et c'est une chanson qui est un peu symbolique, puisqu'elle dit au revoir ma chère, ma chérie, en réalité c'est au revoir mon pays. Oui, bien sûr. Et donc des artistes assez emblématiques également de la République de Weimar, de cette époque. Absolument. Il y avait Kurt Weill. Une époque assez extraordinaire qui se cherchait, un foisonnement intellectuel, culturel assez extraordinaire. Oui. Et puis, alors, bon, ça a 100 ans bientôt. Voilà. Donc il faut l'écouter avec l'oreille documentée. L'enregistrement gratte un peu, je pense. Gratte un petit peu, et puis surtout, ça gratte au niveau des oreilles avec des voix qui ne sont plus du tout les voix d'aujourd'hui. Allez, les comédiennes harmonistes, Auf Wiedersehen, my dear. Abschiedsgruß, weil ich dich heut verlassen muss und sage mir auf Wiedersehen, Leben. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, Leben. Ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nicht sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heut verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, Leben. Wir haben uns gefunden, geliebt und heiß geküsst. Es waren schöne Stunden, die man nicht mehr vergisst. Ein Märchen geht zu Ende, drum reich mir deine kleinen Hände. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heut verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, leb wohl. Ob du mir treu sein willst, sollst du mir nichts sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heut verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heut verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl. Abschiedskuss, weil ich dich heut verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Auf Wiedersehen, Mike Dear. Bah, c'est bien pour terminer l'émission. Tout à fait, oui. Titre idéal par les comédiennes harmonistes, le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. On va rappeler les trois prochains concerts brièvement. Donc, Gauthier Capuçon le 15 janvier. Oui. Violoncelliste. Adam Laloum le 12 février. Et puis, le quatuor Modigliani le 11 mars. Voilà. Bah, merci beaucoup, Philippe Fosseux. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis, on vous recevra prochainement pour présenter la suite de la saison de l'association Lorraine de musique de chambre. Merci. Bon samedi à toutes et à tous. Et à très, très bientôt, j'espère.